À l'émission Dans le vestiaire, animée par Michel Tifot vendredi, Michel a reçu le nouveau commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, Jean-François Laplante, pour parler de sa vision et le présenter un petit peu aux gens. Donc, on écoute cette entrevue. Il est 16h29 minutes. Je l'ai dit au début de la semaine. La Ligue nord-américaine de hockey a fait un pas en avant. Rappelez-vous, la semaine dernière, on n'avait pas de commissaire. On avait 5 équipes. Là, on a un commissaire, peut-être une 6e équipe. Jean-François Laplante succède à Richard Martel comme commissaire dans la Ligue nord-américaine de hockey. On l'a connu comme joueur de hockey avec Thetford. Maintenant, on va le connaître comme administrateur. Jean-François Laplante, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a motivé à relever? C'est un gros défi. C'est un très gros défi. Mais effectivement, comme vous dites, c'est un défi motivant, premièrement, dans la mesure où c'est une ligue en laquelle je crois, c'est une ligue que j'aime. Puis je crois vraiment dans la possibilité de développer et je peux apporter quelque chose là, définitivement à ce projet-là. Donc si je croyais pas, j'aurais pas embarqué. J'y crois vraiment, puis moi voilà que je suis rendu commissaire, puis j'ai bien hâte d'entamer mon mandat. Est-ce que Jean-François Laplante a discuté, a jasé, a parlé avec son prédécesseur, Richard Martel? Non, je l'ai pas fait encore, là. Honnêtement, ça s'est fait assez rapidement là dans les derniers jours. Ça fait longtemps qu'on a entamé le processus, mais vous dire, ça fait 2 jours que j'ai été confirmé, ça a été annoncé hier. Là, aujourd'hui, je parle avec le commissaire par intérim beaucoup pour prendre connaissance des dossiers et tout ça. Je vais assurément téléphoner à Richard Martel pour avoir le pouls un peu de ce que d'avoir sa vision des choses puis voir ce qu'il en était. Je vais prendre beaucoup d'informations au cours des prochaines semaines pour pouvoir aller de l'avant là pour faire un plan qu'on va suivre puis développer les différents éléments de la ligue. Quelles sont les priorités, les changements à apporter pour la prochaine saison selon le nouveau commissaire Jean-François Laplante? J'ai la difficulté un peu à m'avancer puis répondre à cette question-là, pas parce que je le sais pas, parce que j'ai des idées, je les ai présentées lors de mon entrevue aux propriétaires. Par contre, j'ai pas eu la chance encore là, d'avoir une rencontre avec eux pour dire ben voici où on s'en va. Donc c'est sûr que c'est pas les priorités de Jean-François Laplante, ça va être les priorités du groupe de propriétaires et de moi-même qu'on va travailler ensemble et de toute l'équipe là qui va être mise en place pour faire avancer le projet. C'est sûr qu'on s'en cache pas là. Bon, il y a des embauches à faire au niveau du préfet de discipline, au niveau administratif aussi. Il y a plusieurs choses. Essayer d'avoir une 6e équipe qui est une priorité pour la prochaine saison. Mais ceci étant dit, la décision a été prise que si on était 5 équipes, on était pour aller de l'avant. J'ai pas de problème avec ça. Ça fait juste qu'on est un point A différent, un point de départ différent. Puis ensuite, on va regarder vers l'avant pour inclure là, d'autres équipes qui est un gros pourcentage de mon mandat, qui est de trouver des équipes pour la saison suivante. Même si le temps presse, là, selon toi, Jean-François, est-ce que la saison 18-19 va commencer à 5-6 ou est-ce qu'on peut rêver à cette équipe? Pour moi, c'est très difficile de vous répondre parce que, exemple, je vous parle, tout le monde en entend parler de Berlin aux États-Unis. Moi, j'ai pas encore eu de contact avec ces gens-là. Les informations que j'ai me viennent à gauche, à droite, de mes contacts que j'ai, mes sources que j'ai à travers la Ligue. Donc, j'ai hâte de vraiment prendre connaissance du dossier, de la personne qui a mené ce dossier-là de front. Ensuite, des gens de Berlin voir leur sérieux, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, leur pedigree, leur expérience à ce niveau-là. Puis ensuite, je vais être plus en mesure de vous dire si ce dossier-là serait quelque chose d'intéressant. Pour d'autres dossiers qui sont encore en suspens, encore là, il faut vraiment que je fasse des téléphones puis que avant de vous dire là, si c'est des vraies possibilités ou pas, j'aime mieux m'abstenir que vous dire n'importe quoi. Là. Jean-François Laplante est un ancien joueur de la Ligue nord-américaine de hockey, donc tu connais bien ce qui se passait sur la glace. Est-ce que, selon toi, le style de la Ligue doit changer? Je m'explique, là. On sait très bien, on se cachera pas la tête dans le sable. Il y a des spectateurs, il y a des fans qui veulent plus de bagarre, plus de robustesse. Quel est ton... Tu penches vers quoi, toi, comme ancien joueur et comme nouveau commissaire? Ma vision à cet effet-là est assez simple. La robustesse, les bagarres, pour pas les nommer, le jeu robuste de notre ligue, ça fait partie de notre ADN. Puis ça, on pourra pas, faut pas trop s'en éloigner. Ça fait partie de qui on est en tant que ligue. Puis c'est important d'être fidèle à ses valeurs. Puis ça fait partie de nos valeurs. Par contre, ceux qui veulent, tu sais, les fans qui veulent revenir en arrière et tout ça, pour moi, c'est absolument impossible. On avance, la société évolue, on s'en va vers l'avant, on est au courant des choses qu'on n'était pas au courant avant, je pense aux commotions cérébrales. Et les générations qui jouent maintenant dans la Ligue, la génération de joueurs dans la vingtaine, sont très différents de la génération de la trentaine, si je peux me permettre. Puis, quand on joue au hockey junior, nous, les gars de la trentaine, c'était différent. Puis, les gars qui arrivent là, à 22, 23 ans, enfin, à la fin de ma carrière dans la Ligue, là, si je peux dire carrière, entre parenthèses, de quand j'ai joué dans la Ligue, je m'en suis rendu compte. Il y a un changement de philosophie, puis pour moi, c'est pour le mieux. Donc, je pense qu'un mariage des deux, c'est important. Faut pas oublier qui on est. Moi, c'est pas moi qui va venir interdire les bagarres, définitivement pas. Je pense qu'une bagarre dans le feu de l'action entre deux gars qui se disputent la rondelle puis qui arrivent des petites flamèches puis qui décident de jeter les gants, je suis pour ça. C'est correct, ça fait partie du jeu. Mais tout ce qui était de bagarre générale, les bagarres stagées, ça va être... Il va en avoir de moins en moins. Puis ça, en ce qui me concerne, c'est irréversible. Je suis pas nostalgique de cette époque-là. Puis je pense que pour attirer les bons joueurs, puis avoir une ligue de qualité, puis aller chercher aussi d'une nouvelle gamme de partisans, puis mettre de l'avant. La ligue nord-américaine a beaucoup d'autres choses que la bagarre à offrir en ce qui me concerne. Es-tu d'accord avec un comité de discipline sévère? Tout est une question de circonstances. Il faut prendre en compte aussi, je sais souvent que les gens vont prendre en compte le nombre de matchs qui est donné dans la Ligue nationale par rapport à notre Ligue. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, là, c'est que dans notre Ligue, là, quand il y avait des saisons de 40, de 36 matchs, puis tout ça, ben on parle que quand on donne un match de suspension, ben c'est comme deux dans la Ligue nationale. Puis il y a eu des suspensions très sévères par le passé. Puis faut prendre en compte des 8 matchs de suspension, là, ben on est rendu à un très gros pourcentage de la saison complète. Faut que ce soit quelque chose de grave. Donc je suis pas pour les sentences bonbons. Tout est une question de circonstances. Faut voir aussi le contexte dans lequel les gestes ont été posés. Puis on va établir des critères selon lesquels on va choisir un préfet de discipline qui va connaître les critères des gouverneurs et de mes critères qu'on va mettre de l'avant. Puis c'est cette personne-là qui va décider maintenant les sentences à donner lorsqu'il y aura sentences à donner. Le nouveau commissaire Jean-François Laplante est un ancien joueur de la Ligue nord-américaine. Donc, tu sais ce qui se passe sur la glace. On entend souvent des commentaires sur l'arbitrage. Toi, comme joueur, est-ce que tu trouves qu'on est bien arbitré? Je vous dirais que c'était... Ben pour les années que j'étais là, je vais être politiquement correct, là, je vais dire que c'était à géométrie variable. ça dépendait des moments. Moi, j'ai toujours apprécié un arbitre qui communiquait avec nous. Un arbitre, je pense que c'est fait pour appliquer des règles, mais c'est fait aussi pour manager la game. Parler aux joueurs, ceux qui arrivent proches des limites, faut qu'ils puissent leur dire. J'ai toujours apprécié les arbitres qui communiquaient avec les joueurs, puis je pense que c'était eux qui étaient le plus en contrôle des matchs. Maintenant, il y a de très bons arbitres dans la Ligue nord-américaine. Maintenant, je pense qu'il faut accompagner nos arbitres. Il faut leur donner des formations, des directives claires, puis des évaluations. Puis à partir de ce moment-là, je pense que si c'est bien géré, ça va améliorer la qualité de l'arbitrage. Puis on devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. On va passer un peu aux propriétaires maintenant et aux futurs propriétaires, parce qu'il y aura peut-être d'autres équipes, sixième ou septième équipe dans le futur. Est-ce que selon toi, les coûts d'exploitation sont trop élevés pour les propriétaires, pour ceux qui investissent? Honnêtement, en ce moment, j'ai pas les chiffres exacts. J'ai pas encore tout reçu les documents, puis j'ai pas eu le temps de me plonger dans tout ce qui était budget, état financier des équipes et tout ça. J'ai bien hâte de voir parce que j'ai l'impression, ça c'est une impression de l'extérieur de la gestion, là. Donc je vous parle de quelqu'un qui suit la Ligue de près depuis 12 ans. J'ai l'impression que dans toutes les dernières années, il y a eu une gestion un peu d'une gestion de la décroissance parce qu'on a simplement coupé dans les budgets d'exploitation. À savoir si c'était la meilleure chose à faire, malheureusement, je peux pas le savoir. Sauf que en termes de résultats global, pense que c'est, on peut pas dire que ça a eu des retombées positives. Maintenant, on va, je vais l'analyser, je vais essayer de trouver des solutions. Il y a peut-être des choses qu'on peut regrouper pour faire des économies d'échelle. Il y a peut-être des choses qu'on peut améliorer avec une meilleure gestion. À partir de là, malheureusement, en date d'aujourd'hui, c'est trop frais mon arrivée en poste pour vous dire une réponse intelligente après analyse des données. Richard Martel avait commencé le pèlerinage auprès des médias à Montréal et à Québec. Est-ce que Jean-François Laplante va être capable de poursuivre ce dossier qui n'est pas évident à percer les médias à Montréal et à Québec? J'ai peut-être une approche différente à ce niveau-là. Moi, je suis pas vraiment, je crois plus dans les médias traditionnels. Vraiment là, avoir un article dans le journal, je pense qu'on, j'irai pas me battre pour avoir ça là. Si on l'a, tant mieux. Je suis toujours prêt à collaborer. Si on fait appel à moi, bon, c'est sûr que j'ai déjà un très bon réseau de contacts là dans plusieurs sphères. Là. Si c'est le cas, si c'est le besoin, on va y aller. Sauf que je pense vraiment que maintenant, il faut développer une stratégie globale numérique de marketing. Puis ça va passer par les médias sociaux, par le ciblage des gens. Maintenant, c'est plus une question d'être dans les médias puis que les gens te voient puis qu'ils viennent te voir. C'est en fonction des intérêts des gens, on va se proposer à eux en tant que produit. C'est plus de cette façon-là qu'on fait le marketing maintenant. Puis c'est ça que j'entends mettre de l'avant avec la ligne nord-américaine. Fait que d'être dans les gros médias pour tout de suite, je pense que c'est pas ma priorité. Puis c'est pour moi, on va voir, là, on va développer notre stratégie encore là. Il va falloir en discuter, puis il va falloir avoir consensus là-dessus. Mais pour moi, il faut, il y a moyen de faire vraiment plus intelligemment que d'essayer d'avoir une place dans les gros médias. Et il faudra pas oublier la radio, Jean-François, parce que... Absolument que la radio, ce sont des partenaires primordial dans l'exercice de nos services, dans ce qu'on offre, dans des partenaires sur la route pour les gens qui veulent suivre les matchs de leur équipe sur la route. La radio offre une opportunité de proximité que les autres médias, exemple la télé et Internet, offrent pas. Donc, je suis 100% d'accord avec vous là-dessus. Je vous oublie pas, puis même je vous priorise. Bon, c'est gentil. Combien d'années comme commissaire? Est-ce qu'il y a un contrat à long terme pour Jean-François Laplante? Présentement, j'ai un contrat de 3 ans. Bon, il y a différentes possibilités et tout ça, là. Mais je veux dire, on va y aller une année à la fois. Moi, j'ai l'intention de gérer ça en fonction du développement à long terme, peu importe la longévité de mon contrat. Moi, vraiment, ma priorité, c'est le développement de la Ligue, de rendre ça une Ligue solide, critique, une ligue intègre, solide, crédible. On va travailler sur ces aspects-là pour vraiment atteindre ce niveau-là de perception. Il y a une job importante à faire au niveau de la perception des gens de la ligue. La ligue n'est plus ce que les gens de l'extérieur, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu des matchs, est. Puis c'est important qu'on développe cette image de marque-là, puis qu'on mette de l'avant les qualités de la Ligue, autres que la bagarre et tout ça. Puis il y a beaucoup de qualités à l'intérieur de cette Ligue-là qu'on peut exploiter, et qui vont faire en sorte que les gens vont vouloir s'associer, tant au niveau des partisans, tant au niveau des futurs partenaires. Puis partenaires, je parle de partenaires commanditaires, les villes qui vont vouloir avoir des équipes. Il y a beaucoup de choses à mettre de l'avant, puis il y a beaucoup d'avantages à avoir une équipe de la Ligue nord-américaine dans sa région, dans son patelin. Donc, c'est ce qu'il faut mettre de l'avant, c'est ce qu'il faut présenter aux gens, et j'entends bien participer à cet effort-là. Alors, si Jean-François Laplante a un contrat de 3 ans comme commissaire, on va sûrement se parler souvent, parce que nous, à CKJ, d'une part, on a une émission de sport 52 semaines par année, et à chaque semaine, on interview le coach des Marquis, les gens des médias des autres villes dans le circuit. Et évidemment, on va sûrement avoir à discuter souvent ensemble. Jean-François, merci beaucoup d'avoir collaboré avec nous, et au plaisir de se voir au Palais des sports de Jonquière. Absolument, je vous remercie beaucoup de l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer, puis ça va me faire plaisir n'importe quand. Vous savez maintenant où me joindre. Merci beaucoup, Jean-François Laplante.